La Comtesse de Charny par Alexandre Dumas. Tome deuxième. Chapitre 38, où il est démontré qu'il y a véritablement un dieu pour les ivrognes. Le même jour, vers 8 heures du soir, un homme vêtu en ouvrier et appuyant avec précaution la main sur la poche de sa veste, comme si cette poche contenait, ce soir-là, une somme plus considérable que n'en contient d'habitude la poche d'un ouvrier, un homme, disons-nous, sortait des Tuileries par le pont tournant, inclinait à gauche et suivait d'un bout à l'autre la grande allée d'arbres qui prolonge du côté de la Seine cette portion des Champs-Élysées qu'on appelait autrefois le port au marbre ou le port aux pierres et qu'on nomme aujourd'hui le cours la Reine. À l'extrémité de cette allée, il se trouva sur le quai de la Savonnerie. Le quai de la Savonnerie était à cette époque fort égayé le jour, fort éclairé le soir, par une foule de petites guinguettes où, le dimanche, les bons bourgeois achetaient les provisions liquides et solides qu'ils embarquaient avec eux sur des bateaux nolisés au prix de 2 sous par personne pour aller passer la journée dans l'île des Cygnes, île où, sans cette précaution, ils eussent risqué de mourir de faim, les jours ordinaires de la semaine parce qu'elle était parfaitement déserte, les jours de fête et les dimanches parce qu'elle était trop peuplée. Au premier cabaret qu'il rencontra sur sa route, l'homme vêtu en ouvrier parut se livrer à lui-même un violent combat, combat duquel il sortit vainqueur, pour savoir s'il entrerait ou n'entrerait pas dans ce cabaret. Il n'entra point et passa outre. Au second, la même tentation se renouvela, et cette fois un autre homme qui le suivait comme son ombre, sans qu'il s'en aperçût, depuis la hauteur de la patache, put croire qu'il allait y céder. Car déviant de la ligne droite, il inclina tellement devant cette succursale du temple de Bacchus, comme on disait alors, qu'il en effleura le seuil. Néanmoins, cette fois encore, la tempérance triompha, et il est probable que si un troisième cabaret ne se fût pas trouvé sur son chemin, et qu'il lui fallut revenir sur ses pas pour manquer au serment qu'il semblait s'être fait à lui-même, il eût continué sa route, non pas à jeun, car le voyageur paraissait avoir déjà pris une honnête dose de ce liquide qui réjouit le cœur de l'homme, mais dans un état de puissance sur lui-même qui eût permis à sa tête de conduire ses jambes dans une ligne suffisamment droite pendant la route qu'il avait à faire. Par malheur, il y avait non seulement un troisième et encore un dixième, mais encore un vingtième cabaret sur cette route. Il en résulta que les tentations étant trop souvent renouvelées, la force de résistance ne se trouva pas en harmonie avec la puissance de tentation et succomba à la troisième épreuve. Il est vrai de dire que par une espèce de transaction avec lui-même, l'ouvrier qui avait si bien et si malheureusement combattu le démon du vin, tout en entrant dans le cabaret, demeura debout près du comptoir et ne demanda qu'une chopine. Au reste, le démon du vin contre lequel il luttait semblait être victorieusement représenté par cet inconnu qui le suivait à distance, ayant soin de demeurer dans l'obscurité, mais qui, en restant hors de sa vue, ne le perdait cependant pas des yeux. Ce fut sans doute pour jouir de cette perspective, qui semblait lui être particulièrement agréable, qu'il s'assit sur le parapet, juste en face de la porte du bouchon où l'ouvrier buvait sa chopine, et qu'il se remit en route 5 secondes après que celui-ci, l'ayant achevé, franchissait le seuil de la porte pour reprendre son chemin. Mais qui peut dire où s'arrêteront les lèvres qui se sont une fois humectées à la fatale coupe de l'ivresse, et qui se sont aperçues, avec cet étonnement mêlé de satisfaction tout particulier aux ivrognes, que rien n'altère comme de boire. À peine l'ouvrier eut-il fait 100 pas, que sa soif était telle qu'il lui fallut s'arrêter de nouveau pour l'étancher. Seulement cette fois, il comprit que c'était trop peu d'une chopine et demanda une demi-bouteille. L'ombre, qui semblait s'être attachée à lui, ne parut nullement mécontente des retards que ce besoin de se rafraîchir apportait dans l'accomplissement de sa route. Elle s'arrêta à l'angle même du cabaret, et quoique le buveur se fût assis pour être plus à son aise et eût mis un bon quart d'heure à siroter sa demi-bouteille, l'ombre bénévole ne donna aucun signe d'impatience, se contentant au moment de la sortie de le suivre du même pas qu'elle avait fait jusqu'à l'entrée. Au bout de 100 autres pas, cette longanimité fut mise à une nouvelle et plus rude épreuve. L'ouvrier fit une 3e halte, et cette fois, Comme sa soif allait augmentant, il demanda une bouteille entière. Ce fut encore une demi-heure d'attente pour le patient Argus, qui s'était attaché à ses pas. Sans doute, ces 5 minutes, ce quart d'heure, cette demi-heure, successivement perdues, soulevèrent une espèce de remords dans le cœur du buveur, car ne voulant plus s'arrêter, à ce qu'il paraît, mais désirant continuer de boire, il passa avec lui-même une espèce de transaction qui consista à se munir, au moment du départ, d'une bouteille de vin toute débouchée dont il résolut de faire la compagne de sa route. C'était une résolution sage et qui ne retardait celui qui l'avait prise qu'en raison des courbes de plus en plus étendues et des zigzags de plus en plus réitérés qui furent le résultat de chaque rapprochement qui se fit entre le goulot de la bouteille et les lèvres altérées du buveur. Dans une de ces courbes adroitement combinées, il franchit la barrière de Passy sans empêchement aucun, les liquides, comme on sait, étant affranchis de tout droit d'octroi à la sortie de la capitale. L'inconnu qui le suivait sortit derrière lui et avec le même bonheur que lui. Ce fut à 100 pas de la barrière que notre homme dut se féliciter de l'ingénieuse précaution qu'il avait prise, car à partir de là, les cabarets devinrent de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'enfin ils disparussent tout à fait. Mais qu'importait à notre philosophe? Comme le sage antique, il porte avec lui non seulement sa fortune, mais encore sa joie. Nous disons sa joie, attendu que vers la moitié de la bouteille, notre buveur se mit à chanter, et personne ne contestera que le chant ne soit, avec le rire, un des moyens donnés à l'homme de manifester sa joie. L'ombre du buveur paraissait fort sensible à l'harmonie de ce chant, qu'elle avait l'air de répéter tout bas, et à l'expression de cette joie dont elle suivait les phases avec un intérêt tout particulier. Mais par malheur, la joie fut éphémère et le chant de courte durée. La joie ne dura que juste le temps que dura le vin de la bouteille, et la bouteille vide et inutilement pressée à plusieurs reprises entre les deux mains du buveur, le chant se changea en grognements qui, s'accentuant de plus en plus, finirent par dégénérer en imprécations. Ces imprécations s'adressait à des persécuteurs inconnus dont se plaignait en trébuchant notre infortuné voyageur. « Oh, le malheureux » disait-il. « Oh, la malheureuse !»« Un ancien ami !»« Un maître, donné du vin frelaté !»« Pouah !»« Aussi, qu'il me renvoie chercher pour lui repasser ses serrures !»« Qu'il me renvoie chercher par son traître de compagnon qui m'abandonne !»« Et je lui dirai, bonsoir, sire !» Que ta majesté repasse ses serrures elle-même. Et nous verrons si une serrure, ça se fait comme un décret. Ah, je t'en donnerai des serrures à 3 barbes. Ah, je t'en donnerai des peines à gâchette. Ah, je t'en donnerai des clés forées avec un paneton entaillé. Entaillé. Oh, le malheureux. Oh, la malheureuse. Décidément, ils m'ont empoisonné. Et en disant ces mots, vaincue par la force du poison, sans doute, la malheureuse victime se laissa aller tout de son long pour la 3e fois sur le pavé de la route, moelleusement recouvert d'une épaisse couche de boue. Les 2 premières fois, notre homme s'était relevé seul. L'opération avait été difficile, mais enfin, il l'avait accomplie à son honneur. La 3e fois, après des efforts désespérés, il fut obligé de s'avouer à lui-même que la tâche était au-dessus de ses forces. Et avec un soupir qui ressemblait à un gémissement, il parut se décider à prendre pour couche, cette nuit-là, le sein de notre mère commune, la terre. C'était sans doute à ce point de découragement et de faiblesse que l'attendait l'inconnu qui, depuis la place Louis XV, le suivait avec tant de persévérance. Car après lui avoir laissé tenter, en se tenant à distance, les efforts infructueux que nous avons essayé de peindre, il s'approcha de lui avec précaution, fit le tour de sa grandeur écroulée et appelant un fiacre qui passait. « Tenez, mon ami, » dit-il au cocher, « voici mon compagnon qui vient de se trouver mal. Prenez cet écu de 6 livres, mettez le pauvre diable dans l'intérieur de votre voiture et conduisez-le au cabaret du pont de Sèvres. Je monterai près de vous. » Il n'y avait rien d'étonnant dans cette proposition que celui des 2 compagnons restés debout faisait au cocher de partager son siège, attendu qu'il paraissait lui-même un homme de condition assez vulgaire. Aussi, avec la touchante confiance que les hommes de cette condition ont les uns pour les autres. « 6 francs, répondit le cocher. « Et où sont-ils, tes 6 francs ? Les voilà, mon ami !» dit, sans paraître formalisé le moins du monde, et en présentant un écu au cocher, celui qui avait offert cette somme. « Et arrivé là-bas, notre bourgeois ?» dit le Thomédon adouci par la vue de la royale effigie. « Il n'y aura pas un petit pourboire ?»« C'est selon comme nous aurons marché. Charge ce pauvre diable dans ta voiture, ferme consciencieusement les portières, tâche de faire tenir jusque-là tes 2 roses sur leurs 4 pieds, et arrivé au pont de Sèvres, nous verrons. Selon que tu te seras conduit, on se conduira. À la bonne heure, dit le cocher, voilà ce qui s'appelle répondre. Soyez tranquille, notre bourgeois. On sait ce que parler veut dire. Montez sur le siège et empêchez les poulets d'Inde de faire des bêtises. Dame, à cette heure-ci, ils sentent l'écurie et sont pressés de rentrer. Je me charge du reste. Le généreux inconnu suivit sans observation aucune l'instruction qui lui était donnée. De son côté, le cocher, avec toute la délicatesse dont il était susceptible, souleva l'ivrogne entre ses bras, le coucha mollement entre les 2 banquettes de son fiacre, referma la portière, remonta sur son siège où il trouva l'inconnu établi, fit tourner sa voiture et fouetta ses chevaux qui, avec la mélancolique allure familière à ses infortunés quadrupèdes, traversèrent bientôt le hameau du point du jour et, au bout d'une heure de marche, arrivèrent au cabaret du pont de Sèvres. C'est dans l'intérieur de ce cabaret qu'après 10 minutes consacrées au déballage du citoyen Gamin, que le lecteur a sans doute reconnu depuis longtemps, nous retrouverons le digne maître sur maître, maître sur tous, assis à la même table et en face du même ouvrier armurier que nous l'avons vu assis au premier chapitre de cette histoire.